La Corée protège efficacement le patrimoine culturel immatériel. La Direction de protection du patrimoine national vient de classer 13 objets comme patrimoine culturel immatériel national ou local. Comme patrimoine national, ce sont d'abord les légendes sur Kyono et Tsingyo et sur Ulti Mundo. La légende sur Kyono et Tsingyo datant du temps du Koguryo traduit bien le haut niveau de connaissance astronomique des Coréens et le caractère national supérieur. La légende sur Ulti Mundo dit l'esprit patriotique des ancêtres coréens qui ont combattu vaillamment les agresseurs étrangers et l'histoire et la culture du Koguryo puissant inspirant ainsi aux Coréens la conscience de la valeur de la nation coréenne. La technique papetière traditionnelle et la sériciculture du Koryo font savoir bien l'intelligence et le talent créateur des Coréens. Sinsonlo, le plat de tortue terrestre, du riz préparé avec du miel, des jujubes, des châtaignes, des pignons de pin, etc., la soupe tangogi de la province du Hamgyong, les nouilles d'amidon de Hamon et un autre permettent de continuer la gastronomie nationale variée et civilisée et d'améliorer la santé des habitants. Le chant de la forteresse du Mont Tsongbang, chanson folklorique traditionnelle de la région ouest du pays, le sauna dans la salle de pierre et le bain de sable avec le chanvre de la région de Kaesong sont enregistrés comme patrimoine local.